Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier Mauduit, bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui dans le journal de l'histoire, le temps long de l'histoire des émeutes raciales aux États-Unis. C'est à Kenosha, dans le Wisconsin, qu'un nouvel épisode de violence policière a déclenché mouvement d'indignation et pillage dans les rues cette semaine. En pleine campagne présidentielle, les États-Unis ne se sortent plus de leur division raciale. À côté des figures historiques de Martin Luther King et de Malcolm X, incontournables, se côtoie un renouvellement du sujet dans la fiction populaire. De nombreuses dystopies en série apparaissent sur les chaînes et les plateformes, de l'adaptation du roman de Philip Roth, The Plot Against America, à Penny Dreadful, Los Angeles, sur les conditions de vie des Latino-Américains aux États-Unis et la tentation nazie de l'entre-deux-guerres du côté de ses ressortissants allemands. Cette liste de divertissements imprégnés par les conflits interraciaux a commencé l'année dernière avec la suite des Watchmen qui, dans un univers de fantasy, imaginait une justice américaine qui aurait reconnu ses failles en attribuant des réparations aux descendants des victimes du massacre de Tulsa en 1921. Des réparations loin de réparer les vivants, se livrant à une guerre toujours plus sanglante entre la Terre et Mars. We are no one. We are everyone. And we are invisible. Tick, tock, tick, tock, tick, tock. We convinced ourselves that they were gone. Tick, but they were just hibernating. Tick, tock, tick, tock, tick, tock, tick, tock. They came for everybody. Une indignation légitime, un couvre-feu, les premiers morts. Des commerçants et des habitants effrayés, le climat à Kenosha répond à un scénario bien connu, loin de la fiction. Car ces émeutes raciales ont une histoire trop longue, que nous rappelle un ouvrage traduit en français près d'un siècle après sa publication. Ce livre, c'est le recueil d'une enquête menée par le journaliste Carl Sandburg après les émeutes raciales de Chicago en 1919, dans le Chicago Daily News. Le levier du soulèvement, une baignade qui a mal tourné, en plein mois de juillet, sur une plage du lac Michigan, où des plaisanciers blancs ont attaqué un groupe d'adolescents noirs à coups de pierre, le rappel d'une frontière invisible, et pourtant. Eugene Williams, 17 ans, voulant fuir ses assaillants, tombe à l'eau sans savoir nager et se noie. Un policier présent refuse d'arrêter le coupable, pourtant clairement identifié, et arrête un homme noir qu'il jugeait trop virulent dans l'expression de son indignation, déclenchant plusieurs jours de violence urbaine, avec un bilan d'au moins 38 morts, dont une majorité d'hommes noirs. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Carl Sandburg n'enquête pas sur les acteurs directs de cet événement, mais œuvre en sociologue sur les conditions de vie à Chicago, l'ordinaire de la ségrégation, de la formation en cours des ghettos noirs induits par les politiques de logement, en passant par le racisme au travail et les lynchages devenus courants après la Première Guerre mondiale. Un tableau d'époque sans exotisme temporel qui résonne toujours un siècle plus tard avec la nôtre. Oui, il résonne toujours, Anaïs, vous avez raison. On retrouve le journal de l'histoire et tous les liens utiles sur notre site franceculture.fr.